Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, musique expérimentale sur le 100 FM à Toulon ou le radio-active.net, c'est Lost in Space. Ça attaque maintenant, ça dure 3 heures. Et tout de suite, on a NoFX qui chante Lisa. Go! Why? Karen Allen, Woody Allen, Andrelli, Mattis Scorsese, Jack Nicholson, mes frères Mosser et Jean Landis, Jean Belushi, les 400 coups, ça j'aime beaucoup, Louis de Funès et De Vito, Bob De Niro, Jean Carradine, Richard Dreyfuss et Peter Falk, Louis Louis, je l'ai déjà dit, j'aime. Mais toi, j'ai réfléchi. Plus je te vois, je t'entends. J'aime. Et plus j'ai envie de te casser les dents. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. did, no one would accept all of me. So the fire will stop up through the street and the gunfire cars. I'm going to the mountain with a fire spirit, and no one will take all of me. So the fire will stop. I will be cheating the whole ritual world. I'm going to the mountain with the fire spirit, and no one will expect all of me. So the fire will stop. Wait. is love with the light and yellow shadow girls. crushed eyes, sheer surprise at how we captured knowledge. I'll see you back tonight, where shadows dream of light and slip on outside. We'll be right back. Change. Getting sick of being strange. Thank you. And time. draw the line, protagonist is bunker, execution of the year, the most beautiful, execution of the year, of the year. C'est l'heure du live maintenant sur le 100 FM, Lost in Space, Radioactive, et c'est au tour des Red Hot Chili Peppers de s'y coller. Concert enregistré en Australie à Adélaïde le 7 avril 2007 et ça dure une demi-heure. Il y a finalement peu de morceaux. Can't Stop, Danny California, Scar Tissue, Charlie et Ready Made, parce qu'ils ont tendance à faire des morceaux un peu longs. Thank you. They killed Captain Cook in Hawaii. Charlie's shaking me, tell my story. Charlie's

Le live, c'est fini sur le 100 FM Radioactive. On continue Lost in Space tranquillement avec une session plus calme pour se préparer à la semaine qui attaque. Et donc cette session démarre tout de suite avec Noir Désir, septembre en attendant. Juste le temps de battre des cils, un souffle, un éclat bleu, un instant qui dit mieux. L'équilibre est fragile. J'ai tout vu, je n'ai rien retenu. Pendant que ton ombre en douce te quitte, entends-tu les autres qui se battent? Les comètes qui me passent une à une au travers de la tête. J'y pense encore, j'y pense, j'y pense encore, j'y pense. À cette époque, on n'écoutait qu'à peine le clic-cloc des pendules. À l'heure où je te parle, sans entrave, en attendant la suite des carnages, il se peut qu'arrive la limite. J'y pense encore, j'y pense. Ensemble maintenant, on peut prendre la fuite, disparu, fuite. Avant qu'ils aient fait. Thank you.

much younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now those days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a change for mine and open up.